pas merveilleux de se sentir volé? N'est-ce pas merveilleux, les yeux presque percés sur les chemins d'aller? Les garçons et les girls sont tous venus danser. C'est la décadence, c'est la décadence, c'est la décadence, c'est la décadence. N'est-ce pas merveilleux de se sentir partir, les garçons et les girls? C'est la décadence, c'est la délicadence, c'est la décadence, c'est la délicadence. Vieillir, le ciel dans les yeux, à l'ombre des cyprès. N'est-ce pas merveilleux de se sentir partir pour ne plus revenir? Dans la décadence, dans la délicadence, dans la décadence, dans la délicadence.